L'agonie, livre 2, chapitre 2. Antiocanus et Aristomachès faisaient conduire les soldats arrêtés au tribunal, et comme, de toutes parts, on s'alarmait, ils firent entourer le forum par des extraordinaires, pendant que des prétoriens à cheval parcouraient les voies du camp dans un tumulte grandissant. Les tribuns de chaque légion accouraient, suivis des préfets de la cavalerie et des centurions des premiers manipules. Et, la discipline exigeant qu'on procédât sans retard, les prisonniers furent interrogés. Ils répondirent qu'ils avaient emmené ces deux chrétiens parce qu'aux abords du camp, ils discouraient contre les lois, devant un grand nombre de soldats. Mais cela parut singulier aux officiers, qui se dirent que pour de simples chrétiens, l'armée ne se fût point émue. Et d'ailleurs, jusqu'à présent leur ennemi, pourquoi cette déférence pour eux, tout à l'heure si remarquée? Un soldat fit « Le vieillard, qui est le frère du jeune, vouait sa divinité l'empereur à la vengeance de son dieu et prédisait sa chute. Nous avons suspendu le blasphème sur sa bouche, mais d'autres ont voulu qu'il continuât. Parce que, disait-il, l'empire passera bientôt en d'autres mains. » Antiocanus, toujours brutal, frappa alors ce soldat pendant qu'Aristomachès se bouchait les oreilles. Mais les tribuns, mais les préfets, mais le tribunal entier criaient « Dis-nous, dis-nous qui succéderait, d'après ces séditieux, au divin Antoninus !»« Alexianus César, l'enfant Alexianus, fils de Mamea !» répondit le soldat. Ils pâlirent tous, n'osant pousser leurs investigations, sentant confusément que cet empire de la pierre noire se désagrégeait et qu'à vouloir arrêter son mouvement de chute, ils risquaient leur grade, leur fortune et leur vie. Ils se levèrent malgré Attilius. « Laissez-les, firent-ils. Il y a danger aujourd'hui à être sévère. Plus tard, nous sévirons. » Attilius, tout triste, se retira et, avec Antiocanus et Aristomachès, sortit du camp au petit pas de leurs chevaux. Des villas aux murailles bordées de lauriers roses s'offraient. Autour d'eux, des portiques s'évasaient dans les fonds bleus. Çà et là, des cyprès et des pins crevaient en lignes noirâtres. Puis, c'étaient de légers monuments funèbres, couronnés d'urnes, marqués d'inscriptions, attestant la mort au milieu de l'extraordinaire vie romaine et que voilée des bosquets. Par derrière les collines, les sommets des édifices de Rome pointaient, comme des pics dorés par le soleil très chaud. De leurs montures, ils apercevaient des bouts de la voie Salaria, de la voie Ardeatina et de la voie Appia courant droit, des chemins qui y bifurquaient, et toute une plaine arénacée s'élargissant par là. Suivant son habitude, Attilius demeurait silencieux, pendant qu'Antiocanus, de fureur, bourrait de coups de poing son cheval, et qu'Aristomachès s'exclamait « Les traîtres, les impies, les ennemis du serment, les menteurs, les lâches !» Et il ne savait que dire cela, comme Antiocanus que frappé. L'un étant un Cappadocien et l'autre un humide latinisé, la barbarie du sang les étouffait encore sans qu'une lueur d'intelligence leur jaillît aux yeux. Ils foulaient un sol herbu à peine, quand Attilius, poussant un cri, piqua son cheval. Ils le suivirent, galopant dans une étroite vallée soigneusement cultivée, évitée par des esclaves qui reconnaissaient en eux des dignitaires. Puis, ils se trouvèrent au milieu d'un champ abandonné que traversait la voie Salaria. Alors, Attilius resta stupéfait. Je l'ai bien vu. Pourquoi cette disparition ? Il expliqua à ses compagnons que deux ombres d'hommes s'étaient subitement enfoncées en terre, comme englouties. Ils ne découvrirent aucune trace de cette singulière disparition. Et, comme ils voulaient explorer ce champ, ils le dissuadèrent, craignant que ce ne fussent les mânes de morts inconnus. Ils tremblaient sous le coup de terreurs enfantines. Mais, dans les profondeurs que rayaient des amas d'herbes luisantes, à travers des chardons aux bras décharnés, d'autres formes humaines coulaient verticalement dans le sol. Elles s'enfonçaient tout à coup, venues ils ne savaient d'où et allant ils n'osaient deviner où. Seulement, ils remarquèrent que ces disparitions avaient lieu dans les arénaires de cette partie de la campagne et ce qui se disait depuis des générations sur les sépultures de chrétiens cachées en des cavités du sol leur revint en mémoire. Attilius, curieux des choses de Christos, voulait voir si ses ombres étaient de chair et d'os. Mais Aristomachès et Antiocanus l'arrêtèrent, la main à la bride de son cheval. « Pourquoi sonder ce mystère ? » allégua Antiocanus. « Qu'elles viennent, et nous les percerons du glaive. Mais elles sont loin, et nous ne pourrons jamais les captiver. » « Manpuant ! Chrétiens pleins d'affection, fourbes et larrons, fit Aristomachès, qu'ils approchent, je les tue une seconde fois. Il renâclait, et, quoique menaçant, il ne regardait plus l'horizon, craignant d'y voir les ombres suspectes. Ils approchaient de la porte Salaria, dans laquelle s'engouffraient des gens du dehors, surtout des petites gens, faisant courir de pauvres véhicules à caissons d'osier, portant des meubles disloqués et des hardes salies. Sur une borne, une femme était assise, la tête dans les mains, et sa chevelure retombée, la couvrant à demi. En entendant un bruit de chevaux, elle se leva, et, se plaçant au milieu de la voie, « Vous ne l'avez pas tuée, ni martyrisée ?» « Ni emprisonnée » s'exclama-t-elle. Frémissante, très belle, elle avait rejeté un bout de palla et ses cheveux ondoyaient sur ses épaules. Et ses vêtements blancs se moulaient à son corps d'une perfection svelte et ses yeux, noirs et humides, se fixaient, implorant, sur Attilius. Et en même temps, elle le gagna. Il se dit que ce n'était pas là une femme du peuple, mais l'épouse ou la veuve de quelque puissant romain qui s'écartait volontairement de l'Empire. « De qui veux-tu parler ? » demanda-t-il, contenant d'un geste ses compagnons qui voulaient passer outre. « De Zal, le Perse, qui s'en est allé au camp avec un vieillard et que je n'ai plus revu. » Elle répondait au hasard. Mais se doutant, grâce à la selle de peau de panthère de leurs chevaux, à leurs cuirasses bosselées d'ornements, à leurs casques guillochés d'or et de pierreries, aux ocres d'airain recouvrant leurs jambes et les armes y ballant, que c'étaient des officiers supérieurs qui la renseigneraient sur le sort de Maglo et de Zal. Une grande anxiété, mêlée d'une grande douceur, émergeait de son regard. Je les ai fait relaxer tous deux, femme, fit Attilius, et si tu ne les as pas vus, c'est qu'ils sont rentrés par une autre porte. À moins que les soldats ne les aient tués en route, dit Antiocanus brutalement, pour effrayer la femme qui pâlit. Ton nom, cria Aristomachès, tu es chrétienne comme Zal et ce Maglo, n'est-ce pas? « Je suis chrétienne et je m'appelle Sévéra, » répondit Sévéra, qui s'en alla très vite, des pleurs aux yeux. « Il était inutile de l'effrayer, » affirma Attilius doucement. « Sans doute cette femme aime ce Zal, qui est jeune et intrépide. Mais que nous importer, l'amour est de l'amour. » il était pris de commisération, songeant à part que lui aussi aimait, et de quelle fureur, l'affranchie qui résidait entièrement dans son cœur. Cet amour le rendait très malheureux, puisque le monde, se rebellant contre sa symbolisation par la pierre noire, n'acceptait que l'amour entre les deux sexes distincts. Ils allaient rentrer par la voie Salaria quand des cris éclatèrent. À quelques pas, une auberge ouvrait des auvents au-dessus desquels se balançait une pomme de pin et, pleine de soldats assis sur des bancs, devant de petites tables rondes, elle s'embuait toute dans le soleil. À leur aspect, ils s'en allèrent avec de grands saluts, malgré qu'Attilius leur cria de rester. Confiant leurs bêtes au maître de la taverne, qui apparut, tout effaré, ils pénétrèrent dans l'intérieur, qui leur sembla vide d'abord, avec des tables rondes, des escabeaux et des bancs épars. Mais, debout sur une auge en maçonnerie, servant à rincer les bols de terre cuite, effacé en une des encoignures, un homme maigre, la tête nue, une toge sale coulant inertement sur un corps tremblant, agitait faiblement un rouleau de papyrus et criait, se voyant découvert. « Non, ce n'est pas pour eux, mais pour vous trois, illustres, que moi, Zopiscus, connu de tout l'Empire, j'ai écrit ces poèmes. » Et Zopiscus descendit, troublé par l'apparition de ces trois officiers, dont la cuirasse et le casque avaient des reflets d'or. Fébrilement, il fit une rafle de morceaux de papyrus semés sur les tables. Antiocanus put en saisir un. « Pardonne-moi, je les amusais, je les flattais, je faisais des vers pour leurs amantes et pour leur assurer la fortune. Mais mon poème est pour vous trois, illustres, je vais le lire si vous daignez. » Il déroulait son manuscrit, celui qu'Amon savait être dédié à Zôme, Num et à Pépi, et qui était le poème Vénus. Il allait le lire très habilement, en intervertissant les noms, mais ceux-ci l'arrêtèrent. Soupçonneux, sa grosse barbe reposait sur les épaules d'Antiocanus, Aristomachès épelait avec difficulté les lettres latines. Zopiscus, bien vite, l'aida. C'était une strophe très courte sur les mérites d'une bébia que lui avait commandée un soldat. Zopiscus possédait ainsi une clientèle d'amoureux pour des vers à des femmes. Malgré Aristomachès, qui voulait les lire tous, il renferma dans un pli de sa toge ceux-là sur lesquels il avait fait main basse. « Je puis vous en écrire de semblables, illustres, » assurait le poète. « Commandez. Me faut-il chanter les vertus de l'armée, l'épée invincible de Rome, la sublime volonté de l'empereur? Ce sera pour quelques as seulement. » Ils le laissèrent là. Et pendant qu'ils remontaient, Zopiscus, nullement découragé, courait après eux, le manuscrit aux dédicaces étonnantes en main. « Illustre, je suis connu de tout l'Empire, et nul ne me vaut pour écrire un poème sur vos mérites et votre valeur. Celui-là vous est dédié, et je le lirai en votre honneur, sous les portiques, quand il vous plaira. » Ils rentrèrent à Rome par l'Esquilin, dont les rues populeuses s'emplissaient de rumeurs. La région abondait de citoyens, d'affranchis et d'esclaves encore abrutis de la fête de la pierre noire qu'Antoninus avait célébrée. Durant trois jours, ça avait été une colossale manifestation du principe de la vie, adoré dans la pierre noire et dans l'image d'Elagabalus, peinte en pied, vêtue en sacrificateur du soleil, avec une robe traînante aux manches amples et tiarée, en une indescriptible apothéose d'or, de parfums, de danse et de chants. Trois jours durant, le peuple avait vu cette extraordinaire image traîner, sur un char plaqué de métaux et de gemmes, par 36 chevaux blancs, soigneusement peignés, richement caparaçonnés et aux sabots d'or. Et ce char, vierge d'un contact humain, n'avait porté que cette prestigieuse figure. L'Elagabalus de chair et d'os, à reculons, guida respectueusement les chevaux, des gardes à ses côtés pour qu'il ne tombât, et des esclaves jetant sous lui de la poudre d'or qui soulignait son passage. 3 jours durant, de grosses joies s'épanouirent en cortèges brutaux, à la lumière des torches et sous les flottements de fleurs en guirlande jetées partout, aux barbares orchestres de la pierre noire qui mariaient les flûtes syrinx, les flûtes simples, les flûtes à double tuyau, les flûtes d'or et les flûtes de roseau aux tympanons tendus de peau de brebis, aux cymbales de bronze, aux harpes évasées en aplustre de barque, aux lyres orgueilleuses de Phrygie, aux trompettes recourbées, aux sistres de fer et d'ivoire, aux tambours faits d'un tronc d'arbre brûlé à l'intérieur et frappé d'une seule baguette en croc, pendant qu'un colossal festin s'épandait dans Rome, avec un débordement de vin en cascade, que des jeux se déployaient dans des cirques, en coulées de sang de gladiateurs et de prisonniers, que des promiscuités d'hommes et de femmes, d'hommes et d'hommes, surtout de prêtres du soleil, montaient, purulentes mares du vice, au plein ciel des midis, au plein flambeau des nuits, sur les parvis et les marches des temples, sous les portiques, dans les carrefours, au milieu des places, dans les thermes et les jardins, quels qu'en fussent les témoins. Et le dieu placé dans le temple du soleil, avec les autres dieux, les offrandes patriciennes, les insignes impériaux et des meubles vermeils, guillochés, gondolés, émaillés, fondus en des moules glorieux de poitrines nues de sirènes ou de calmes faces de lions, et l'Elagabalus avait jeté, du haut d'une tour, des vases d'or et d'argent, des habits et des étoffes, en même temps que, dans la ville, des bêtes furent lâchées. Des gens avaient péri, mais qu'importait. Antoninus et l'Elagabalus avaient fêté la pierre noire. Le symbole de la vie, une fois de plus, avait eu sa consécration. Et quelle consécration! Il était ensuite retourné au jardin de la vieille Espérance, qu'il habitait depuis peu, accompagné par l'armée. Catilius, qui l'a commandé, reconduisit ensuite avec sa cavalerie au camp des prétoriens. Des ivrognes roulaient devant le primicirius et ses compagnons. Des femmes, mi-vêtues, se montraient des bouts de cuisses abjectes. Des esclaves se découvrant dans des encoignures de maison, des enfants aux ignobles gestes les suivaient, attirés par la gloire de leurs costumes, la gloire de leurs casques et de leurs cuirasses. Dans une voie étroite, où tombait un rond de soleil rouge, un homme et une femme, qui se livraient sous l'œil paternel d'un prêtre de Cybèle, s'arrêtèrent, nullement confus. Au contraire, ils montrèrent leur nudité, comme pour les inviter à prendre part eux-mêmes à la fête de la vie. Des joueurs de flûtes et de tympanons viraient dans une poussière d'or, dans une harmonie cuivrée, avec des cérémonies de prêtres du soleil s'essayant à un immonde rapprochement. Aussi, des individus apparaissaient, les yeux baissés, un pan de la toge à un coin de face, ne voulant ni voir ni entendre, et d'autres couraient après eux, le poing levé, et alors un déluge de coups secs laissait du sang aux murailles ou sur les pavés. C'étaient des chrétiens ou des juifs, ceux-là généralement vêtus de noir, qui, pour ne pas participer à la fête, se sauvaient éperdument, Des gens enragés à leurs trousses et leurs balbutiements d'horreur évoquaient les uns Christos, les autres Yahvé. Ils s'obliquaient vers le Cellius, où, quoique le quartier s'aristocratisât, la fête se mourait en une recrudescence plus grande, en un colossal épuisement de soûlerie, de goinfrerie et de prostitution. Pour aller plus vite, ils donnèrent de l'éperon, et ce furent des gens écrasés, un refoulement de peuple inconscient qui s'acharnait à rester sur place. Des Galles, émergeant d'une rue, poursuivirent une femme en qui Attilius crut reconnaître Sévéra. Il accourut, son épée au clair éventra un agresseur qui s'affala dans un éclaboussement de sang. Les autres s'envolèrent, les bras en l'air, poursuivis par Antiocanus et Aristomachès, à qui cette ivresse du vin commençait à donner l'ivresse de la tuerie. « Merci, merci !» fit Sévéra. Elle marcha rapidement, terrifiée et se voilant la face, sur elle les yeux d'Attilius, dont le cheval relevait du mufle le corps du gal expirant. Elle se retourna un instant, eut encore un mouvement de gratitude et disparut dans une maison. « Ce doit être là le logis de ce zal !» articula Antiocanus, glorieux de sa poursuite, car il avait assommé un autre gal qui se tordait plus loin en du soleil. Et il avait raison. La maison dans laquelle était entrée Sévéra était celle de Zal, celle de Zopiscus aussi, qui creva, à l'extrémité de la rue, son éternel rouleau au bras.